Conséquences du vaccin Covid-19. Le déséquilibre du cholestérol provoque l'artériosclérose. Selon le docteur Klaus Retzlaff, physicien et thérapeute allemand, la science n'est plus à l'heure actuelle libre de toute influence politique. Cela signifie que lorsque les scientifiques publient des choses qui ne correspondent pas à l'agenda politique, ils rencontrent généralement de gros problèmes comme la perte d'emploi, etc. C'est pourquoi le docteur Retzlaff, scientifique indépendant, est devenu le porte-parole d'une équipe internationale d'experts qui étudie les doses de vaccins Covid et les dommages causés par les vaccins. Découvrez maintenant dans l'interview d'Elsa Mittmann-Skruber ses explications sur le déséquilibre du taux de cholestérol chez les personnes vaccinées et le syndrome d'artériosclérose qui en résulte. Pourquoi parlez-vous au nom d'un groupe de chercheurs alors que vous n'êtes pas vous-même impliqué dans les recherches ? Oui, il faut peut-être le dire ainsi. Ce n'est pas tout à fait comme si je ne faisais pas de recherche. J'ai moi-même procédé à des examens des vaccins au microscope à fond noir, c'est-à-dire que je les ai observés et que j'ai également publié ces observations. Je me suis penché sur la question de la réaspiration de nos propres germes lors de la couverture de la bouche et du nez par le masque, ainsi que sur le test PCR. Et j'ai également publié des articles à ce sujet. J'ai rejoint le groupe pour ces raisons, parce que j'ai également fait ces observations. Mais on m'a demandé de présenter ces choses qui ont donc été étudiées avec des méthodes techniques très avancées, c'est-à-dire avec des observations au microscope électronique, avec la spectroscopie à rayon X à dispersion d'énergie et d'autres choses. Je vous expose cela parce que nous sommes actuellement dans une situation où la science n'est plus libre de toute influence politique. Et il n'y a pas qu'un seul cas rendu public, où les scientifiques ont des problèmes s'ils publient des choses qui ne correspondent pas tout à fait à l'agenda de la vaccination. Et dans ce contexte, même des scientifiques de très haut niveau ont peur de se montrer publiquement. Et c'est dans ce contexte que je suis ici en tant que représentant et que j'ai l'honneur de présenter les résultats d'autres scientifiques. Bien. Alors passons directement aux conclusions des études de ce groupe de recherche que vous représentez ici. Mais ce que nous voyons aussi, parce que nous analysons en même temps le sang et pas seulement le vaccin, mais aussi le sang des personnes vaccinées et des personnes non vaccinées. Ce que nous voyons, et c'est du moins le cas pour l'instant dans l'état actuel des analyses, ce sont des modifications dans le sang de toutes les personnes vaccinées, sans exception. Et aussi des cristaux de cholestérol, ce cholestérol que nous voyons dans le sang. Ce n'est pas seulement dû au vaccin, il y en a beaucoup trop peu dans une telle dose. Si on voit systématiquement ces cristaux de cholestérol dans tous les tests sanguins que nous avons observés jusqu'à présent, cela indique plutôt que le vaccin lui-même provoque sous une certaine forme des lésions des organes, qui perturbent ensuite l'équilibre du cholestérol. C'est pourquoi nous étudions actuellement l'hypothèse selon laquelle les vaccins pourraient éventuellement déclencher une artériosclérose. Ce serait bien sûr une conséquence problématique à long terme, car l'artériosclérose se développe insidieusement. On ne remarque pas tout de suite qu'on a des problèmes et que des troubles de la circulation sanguine apparaissent peu à peu. La question est alors toujours de savoir quand et où ces troubles circulatoires apparaissent, ce qui entraîne des symptômes différents. Et comme il s'agit d'une conséquence à long terme, c'est sournois dans le sens où on ne peut pas l'attribuer à la vaccination, bien qu'elle en soit la cause. C'est donc une question passionnante à creuser, et quand on parle de cholestérol, ce n'est pas anodin, c'est l'expression d'un possible problème à long terme. Et les cristaux de cholestérol, ils ont dit que ce n'était pas seulement dans le sang. Ils voulaient aussi parler du vaccin, pour savoir s'ils y étaient aussi. Exactement. Ensuite, nous avons vu d'autres corrélations. Donc tout d'abord, quand on voit ces petits cristaux, ils sont plus ou moins fréquents suivant les lots. Et ces cristaux sont l'expression de la qualité du vaccin. On peut également déterminer avec des méthodes d'investigation appropriées, c'est-à-dire avec une spectrométrie à temps de vol, la longueur des chaînes POG, ces nanoparticules lipidiques qui enveloppent l'ARN messager et qui se composent de petites chaînes de polymères, si on peut dire. Elles ont des longueurs différentes. Et nous avons constaté que lorsque les longueurs sont relativement courtes et homogènes, l'ARN messager reste bien protégé dans la nanoparticule. Ainsi, il a la possibilité de pénétrer dans la cellule, de reprogrammer la cellule. Celle-ci génère alors les protéines spike problématiques qui devraient stimuler le système immunitaire. C'est du moins l'idée. Cela signifie qu'à partir du moment où il y a une homogénéité des longueurs de chaîne, on a un vaccin de grande qualité. Si les chaînes sont plus longues et irrégulières, il est évident que les brins d'ARN messager ne sont manifestement pas bien protégés. Ils sont donc peut-être perdus avant de pénétrer dans la cellule, et lorsqu'ils sortent des particules lipidiques, ils se cassent. Ils ne peuvent pas alors faire leur travail. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est que nous avons vu que la plupart des effets secondaires apparaissent dans les lots de haute qualité. Cela signifie que nous avons alors un problème avec le vaccin en particulier. Donc pas simplement à cause d'impuretés quelconques, mais avec ce que le vaccin est censé faire justement quand il fonctionne correctement.